Chapitre deuxième. Incident vulgaire, n'est-il pas vrai qu'un mariage à contre-cœur? Tant de jeunes filles qui se croyaient sacrifiées ont accepté paisiblement leur malheur et se sont faites à leur destinée. Que de compensations d'ailleurs dans celle d'Éléanor. Un mari jeune, riche, brave, amoureux jusqu'à l'oubli de tout calcul. Une position sociale enviée par les plus riches héritières des trois royaumes, des alliances, des connexions magnifiques, et cela dans un pays où rien n'est plus compté que les privilèges du rang. La splendeur des armoiries, l'importance hiérarchique, les attenantes de caste, ne saurait-on aimer à la longue l'homme qui vous donne tout cela, et qui, pour vous le donner, a bravé l'opinion, la censure de ses proches, l'étonnement d'un monde habitué à tout chiffrer et à mépriser de bon cœur toute folie romanesque? Fort bien. Mais cet homme vous inspire une sorte d'antipathie mêlée de crainte. Sa force dont il est fier, sa volonté absolue, son mépris de la souffrance physique, autant de motifs d'éloignement. Un jour, entre autres, Éléanor s'était trouvée à cheval, seule avec son prétendu, sur les bords de la Lyn, à l'endroit même où, pour la première fois, elle avait cru que le secret de son amour allait se révéler à David Stewart, et pas bien loin de celui où elle s'était dit que son corps reposait peut-être, arrêté sous quelques rochers de la rive. Mille sombres présages, mille pensées déchirantes, mille poignants remords l'assaillirent à la fois. Elle cessa de répondre à Sir Stephen, qui continua de lui parler sans s'apercevoir de rien, jusqu'au moment où Éléanor sentit le vertige la saisir et où elle arrêta brusquement son cheval. « Je ne puis, murmura-t-elle, triste écho de sa conscience révoltée. Puis elle s'affaissa lentement vers Sir Stephen, qui cette fois, la voyant défaillir, était venu à son aide. Il la reçut et l'étreignit dans ses bras, sa fiancée éperdue, et même en ce moment, où elle avait à peine conscience d'elle-même, elle se sentit frémir. Il lui semblait qu'elle allait mourir, étouffée dans ses mains d'Hercule, ses mains tremblantes cependant, et qui voulait l'arracher à la mort. Contre ses répugnances instinctives, Éléanor se raidissait bravement. Mais encore eût-il fallu trouver quelques points d'appui. Et l'amour de Sir Stephen, cet amour où l'égoïsme entrait à haute dose, ne se prêtait guère à ces efforts de la jeune fiancée. À tous les dons qu'il lui prodiguait, manquait la bonne grâce et le tendre abandon qui seul pouvait leur donner quelque prix. Vainement lui fournissait-elle de plein gré les occasions de gagner son cœur. Il les perdait par sa réserve à contre-temps et faute d'oser à propos de les saisir, les mettre à profit. Éléanor avait gardé auprès d'elle, souvenir vivant d'un temps regretté, un vieux domestique, longtemps attaché au service de David Stewart. Elle désirait que Sir Stephen, tout vieux, tout inutile que peut être cet homme, voulût bien, pour l'amour d'elle, lui laisser finir ses jours à Perrine Castle. Il connaît ce domaine, il pourrait y rester comme concierge, disait-elle, insistant avec douceur après un premier refus. Sandy était là, dont les regards suppliants appuyaient les paroles de sa protectrice. Concierge, il va être concierge? Non, la place est prise. Qui diable lui a donné cette idée? Ajouta Sir Stephen en toisant le vieillard d'un air soupçonneux qui surprit Éléanor. « Voyons, reprit-elle, essayant de sourire, concierge ou non, jardinier, sous-jardinier, homme à tout faire, ce qu'il vous plaira, pourvu qu'il reste avec nous. » Il n'était pas malaisé de satisfaire gracieusement à ce vœu modeste, et sans être bien adroit, Sir Stephen pouvait tourner en plaisanterie familière, en joli marché d'amour, une complaisance impossible à refuser. Mais entre Éléanor et lui, aucune intimité vraie n'avait encore pu s'établir. Il concéda maladroitement, comme contraint, la faveur si simple qu'on réclamait de lui. Et lorsqu'Éléanor lui tendit la main pour le remercier, s'il baisa, non sans ardeur, cette main glacée, ce fut en silence, ne trouvant pas un mot pour traduire à ce cœur délicat et fier les désirs dont il était dévoré. De même, après le mariage et quand ils quittèrent Londres, Éléanor témoigna-t-elle vainement le désir d'aller passer à Perrine Castle ces premières semaines, où il était si naturel de chercher un peu de solitude. C'était la saison des chasses, et Sir Stephen avait l'habitude de passer 2 mois d'automne à Glencarrick chez sa sœur, Lady MacFarren. Il prétexta la convenance d'une présentation immédiate, et il fallut partir pour Glencarrick. Éléanor obéit à regret. Elle eût peut-être résisté davantage, s'il eût connu les dispositions de Lady MacFarren à son égard. En bonne écossaise, cette noble dame avait trouvé tout simple que son frère épousât la plébéienne Éléanor, quand celle-ci comptait encore parmi les riches héritières des trois royaumes. Mais en apprenant qu'il persistait dans ses prétentions après qu'il la savait ruinée, elle éprouva un vif dépit, fort augmenté lorsqu'elle vit ses remontrances inutiles, ses conseils négligés, son autorité d'aînée parfaitement méconnue. Dans ses idées, un pareil entêtement chez son frère ne pouvait tenir qu'aux intrigues dont il était entouré, à l'ascendant pris sur lui par Lady Raymond et par Eleanor, conspirant à l'envi pour capturer un si beau parti. Aussi avait-elle refusé de venir au mariage, et cela dans des termes qui n'avaient point permis à Sir Stephen de montrer sa lettre sous peine de voir Eleanor rompre à l'heure même cette union qu'elle accomplissait comme un pieux sacrifice, sans se douter que personne y pût voir un calcul intéressé. Quand elle entra dans la salle basse lambrissée de sapin où se tenait volontiers la châtelaine de Glengarrig, elle ne put dissimuler quelque peu de surprise à la vue de cette dame, dont la taille et les proportions masculines, la raideur osseuse, les façons viriles, l'eussent moins déconcertée si son accueil eût été plus cordial. Mais à peine Lady Macfarren, qui avait rudement serré la main de son frère, daigna-t-elle accorder une demi-révérence à la belle-sœur qu'il lui présentait. D'avance, elle l'avait, comme on dit, prise à guignon, et s'était promis de lui faire payer cher les bénéfices de son alliance avec une famille où elle n'entrait que par surprise et par fraude, sans y apporter ni le contingent de noblesse, ni l'accroissement de fortune qu'on avait droit d'attendre d'elle. « Vous paraissez fatigué, » lui dit-elle enfin, lui faisant signe d'approcher du feu. « Vous êtes bien pâle. »« Je ne suis pas très fatigué, » reprit doucement Eleanor, « mais je n'ai jamais beaucoup de couleurs. »« Ah, c'est différent. On nous disait que vous passiez à Londres pour une beauté. »« Vous autres, belle dame de Londres ?»« J'ai fort peu habité Londres, » interrompit Lady Perrin. « Bah, et quel âge avez-vous ? 17 ans. »« C'est singulier, vous paraissez davantage. » À présent que vous êtes marié, vous pourriez dire tout juste ce qu'il y en est. » « J'ai eu 17 ans en août dernier, » répliqua Eleanor, que cet étrange dialogue commençait à déconcerter et qui sentait les larmes lui venir aux yeux. Elle s'approcha du feu, ne comprenant rien à une hospitalité si peu gracieuse, et pour se faire une contenance, se prit à lisser la tête d'un grand chien de race écossaise présent de David Stewart, qui la quittait rarement et qu'elle affectionnait plus que de raison. « Voilà un chien un peu gros pour le salon, » remarqua l'aimable maîtresse du château. « Il est tout simple de le renvoyer s'il gêne, » dit Eleanor. « Ceci est donc le salon ?»« Mais pensiez-vous que ce fut la cuisine ?» demanda aigrement Lady Macfarren. Sir Stephen, au fond, n'était pas content de sa sœur. Toutefois, ses habitudes de soumission le gênaient pour la rappeler à l'ordre. Il lui fit remarquer pourtant que l'étrange décoration de la pièce où ils étaient, les bois de serre appendus de tous côtés aux murailles, l'odeur de résine qu'exhalaient les boiseries, expliquait la question d'une jeune femme arrivant pour la première fois dans une maison de chasse. Eleanor se hâta d'ajouter qu'elle trouvait la pièce fort bien décorée et que l'odeur du sapin lui était particulièrement agréable. « c'est bon, » reprit Lady Macfarren, qui parut se laisser fléchir. « On fera de vous une montagnarde. »« C'est cela, une montagnarde, » répéta derrière Eleanor une petite voix aiguë, et se retournant, elle aperçut, au fond d'un grand fauteuil de malade, un petit être souffreteux qui s'épuisait pour elle depuis son entrée en sourire avenant. Ce n'était rien moins que le comte de Peebles, un cousin germain de Lady Macfarren et de Sir Stephen Penryn, chétif et malingre rejeton d'une tige robuste, que la châtelaine de Glencarrig entourait de soins et d'égards fort inusités chez elle. Ce dévouement s'expliquait de reste vis-à-vis d'un proche parent resté célibataire, devant mourir tel, selon toute apparence, et dont le titre avec la fortune pouvait un jour grossir le lot d'un cadet. Lady Raymond, dont la voiture suivait à peu de distance celle des nouveaux mariés, arriva sur ces entrefaites. Plus délicate encore que sa fille, elle est née ébranlée par la fatigue d'une longue route, elle eut à subir l'émotion d'un accueil encore moins obligeant. Aussi tout à coup la vit-on éclater en sanglots à je ne sais quelle question saugrenue de sa rude hôtesse. « Eh bien, qu'avez-vous ? » lui demanda celle-ci encore plus irritée que stupéfaite. « Chère mère, c'était en même temps, » écriait Eleanor. « Excusez-moi, » répondit Lady Raymond. « Je ne savais pas. La surprise. Tout ceci me semble si nouveau. » « En tout cas, » reprit Lady Macfarren, « si vous êtes étonnée, je le suis au moins autant que vous. » « Et voilà de quoi vous consoler. Maintenant il est tard. Montons chacun chez nous. » Quand Sir Stephen et sa femme furent seuls, « Je voudrais, » lui dit-il, « que votre mère évite avec soin tout ce qui peut blesser ma sœur. » Le regard étonné par lequel fut accueillie cette étrange recommandation rendit Sir Stephen un peu honteux de lui-même, et selon l'usage, il n'en fut pas pour cela de meilleure humeur. « Oui, » reprit-il avec impatience, « il faut attacher que ces dames s'accommodent l'une de l'autre. Ma sœur est une femme très supérieure. Elle a l'orgueil de son sang et l'habitude de compter pour beaucoup dans nos décisions de famille. Mon mariage n'a pas eu, la fortune à certaines circonstances inutiles à rappeler, son entière approbation. Par toutes ces raisons, sur lesquelles je glisse, mais que vous devez comprendre, il serait bien à vous et à votre mère de faire quelques concessions. Des concessions. Ce mot bizarre ne présentait à Eleanor aucun sens précis, et elle semblait en attendre le commentaire. Sir Stephen s'irritait de plus en plus, ne pouvant réussir à se faire entendre. « Ma sœur est bonne quand elle veut, » reprit-il, « mais il ne faut pas l'affronter. »« L'affronter ? » ?»« Oui, l'affronter. C'est assez clair, ce me semble. Elle n'aime pas rencontrer trop d'indépendance, surtout quand cette indépendance n'est pas de saison. Comprenez bien ceci. Faites-le comprendre à votre mère, et tout ira sur quatre roues. » Dois-je penser que Lady Macfarren peut se trouver offensée sans raison ? Demanda Eleanor après un silence de quelques instants. Sans raison, je ne dis pas. Elle a toujours ses raisons, mais elle est fière. Vraie vérité, en lui répondant sur un ton que votre âge, à ses yeux, ne vous permettait pas de prendre. Mon âge ? Se dit Eleanor. Mon âge ? Et sans doute aussi ces autres motifs qui font que toute indépendance est chez moi hors de saison. Car elle avait compris les paroles et surtout l'hésitation de son mari. Pour la première fois, elle venait de se dire qu'en effet elle lui devait, ainsi que sa mère, d'échapper à ce que le monde appelle la pauvreté. « Mais enfin, pensait-elle aussi, lui ai-je demandé sa main comme une aumône? L'aurais-je accepté à ce titre? Cet amour qu'il me témoignait, l'ai-je souhaité? Puisqu'il m'a choisi et voulu pour sa femme, que sa sœur approuve ou non ce mariage, ne me doit-il pas tendresse et protection? Et lorsque je pensais à lui demander de me venir en aide, est-il juste, est-il naturel que ce soit moi qu'il blâme, moi qu'il avertisse de courber la tête? Ses doutes, ses anxiétés jetaient sur l'avenir de la jeune femme un voile épais que son esprit se fatiguait à vouloir percer. « Lady Penryn, permettez-moi de vous présenter Mrs. Christison de Dunless et Miss Christison. » Ces seuls mots, prononcés par Lady Macfarren, au moment où se mettait à table pour dîner, firent tressaillir Eleanor. Elle avait devant elle la veuve et la fille de cet homme d'affaires auquel David attribuait la ruine de son père et qui, du produit de ses rapines, avait acheté ce Dunless, l'objet de tant de désirs auxquels la pupille de David s'était si ardemment associée. Mrs. Christison n'avait rien de remarquable qu'une sorte de bienveillance banale et bavarde. La fille était des pieds à la tête une vieille fille. Depuis l'âge de 16 ans, elle songeait au mariage. Il y avait 29 ans qu'elle y songeait en vain. Non qu'elle n'eût trouvé main et main partie dont elle eût pu s'accommoder, avec des prétentions un peu moins hautes et un moins vif désir de gagner sur le marché. Mais il s'était toujours trouvé que lorsqu'un prétendant s'offrait à Tabitha Christison, il était de ceux qu'elle jugeait indignes d'aspirer à sa main, et que cette main, si précieuse, n'avait jamais été sollicitée par ceux que Tabitha Christison, dans le secret de son âme, appelait à l'honneur de la posséder. Or, s'il y a des vieilles filles à qui rien ne manque, pour figurer au calendrier, que la canonisation, tendres et nobles âmes qui, par des liens volontaires et sacrés, remplacent le joug conjugal, sœur de charité près des malades, mère d'adoption pour l'orphelin, auxiliaire béni d'une veuve chargée de famille. Il est une autre race de vierges surannées, toujours complotant, toujours médisant, toujours mêlées à toutes sortes d'intrigues, confites en flatterie, gonflées de fiel et de jalouse fureur, impatronisées chez les autres en dépit de toute résistance, de tout mauvais procédé, de toute insinuation fâcheuse, et comme le ver au cœur du fruit, insectes immondes au cœur des familles, rongeant et gâtant à plaisir les plus belles. À cette classe appartenait Tabitha, plus familièrement appelée Tib. Assez généralement connue pour n'être plus admise que dans un fort petit nombre de maisons respectables, elle s'était maintenue à Glencarrick à force de souplesse et de complaisance pour l'altière humeur de Lady Macfarren. En outre, elle s'en rendait utile, indispensable même, par les menus soins auxquels elle avait habitué le pauvre malade dont on y cultivait l'héritage. Tib était si bonne. Tib faisait tout ce qu'on voulait. Elle jouait au piano 20 reels de suite, s'ils étaient nécessaires. Manquait-il un vis-à-vis, elle figurait la contredanse. Elle avait des recettes admirables contre le rhumatisme et de non moins admirables pour la conservation du gibier. Voulait-on des tricots de Shetland? C'était elle qu'il fallait charger de les acheter. On les avait au plus bas prix imaginable. Jamais, lorsqu'elle partait pour Édimbourg, on ne lui ménageait les commissions les plus multipliées, les plus fatigantes. Jamais elle ne se refusait à servir de plastron lorsque quelques convives ennuyés se débarrassaient à ses dépens d'un surcroît de moqueries. Et si par hasard toutes les chambres du château se trouvaient encombrées, qui donc, si ce n'est Tib, se réfugiait modestement dans quelques recoins du grenier? Que dit Lady Macfarlane si quelque génie bienfaisant lui eût tout à coup montré le revers de ce dévouement si absolu, si commode? Qu'eût-elle dit si elle se fût avisée de soupçonner que l'humble Tib, sans tambour ni trompette, à petit bruit, par des chemins tortueux et couverts, resserrant peu à peu les lignes de circonvallation, tendait à devenir comtesse de Peebles? Oui. Ce grand projet, éclos dans un accès de fiévreuse ambition, Tib, depuis des années, le nourrissait et le voyait prendre consistance. Cette servilité universelle, cette patience inaltérable, c'était l'encens qu'elle brûlait au pied de sa grotesque petite idole, enfouie entre quatre coussins, dans ce grand fauteuil auquel le coin du feu demeurait réservé de droit. C'était pour rester dans le voisinage de Glencarrick et du comte que, faisant violence à ses goûts naturels, Tabitha Christieson avait forcé sa mère à conserver Dunleith. Étrange amour que celui de Tib pour son malade. Ses filets à elle, c'étaient des flanelles chauffées à point. Ses charmes, des embrocations rhumatismales. Peu à peu, par des progrès lents, imperceptibles, mais réels, elle s'assurait de sa proie. L'hameçon pénétrait déjà. Déjà, elle pouvait, sans trop d'efforts, diriger où bon lui semblait, malgré des résistances de plus en plus faibles, cette volonté débile. Mais elle ne se pressait pas de la tirer sur le rivage. La ligne risquait encore de casser. Et cependant, Lady Macfarlane, ne pouvant se méfier d'une ambition si folle en apparence, ne pouvant croire que la fille d'un agent d'affaires eût élevé ses prétentions jusqu'au chef nominal d'une aussi grande maison que l'était celle des Peebles, Lady Macfarlane en était encore à dire 20 fois le jour « Tib, je vais au jardin. Tenez compagnie à Lord Peebles. »« Lord Peebles, je vous laisse Tib. » Ou bien encore « Lord Peebles boite un peu ce matin. Tib, promenez-le, donnez-lui le bras. » Ordre bienvenu auquel Tib déférait avec l'empressement de l'araignée qui s'élance vers le mouchon enveloppé dans ses toiles. À la vue d'Eleanor, Tib éprouva ce sentiment si naturel aux êtres de son espèce, une atroce malveillance pour tout ce qui est noble, beau, pur, brillant, élevé. Et elle put d'ailleurs trembler, car le comte de Peebles, qui n'avait aucune raison de partager cette aversion, s'était au contraire pris d'un goût subit pour sa belle cousine, et l'un de ses premiers compliments, témoignage innocent de sa gaieté valétudinaire, alla droit au cœur de l'ambitieuse vieille fille. « Vous avez peur, n'est-ce pas, vous voyant si ingambe, de n'être jamais comtesse de Peebles ? Soyez tranquille, mon enfant, » dit-il à Eleanor en baisant sa main qu'il avait prise et qu'il caressait depuis un moment. « Je ne compte pas me marier. Je resterai garçon, quoi qu'il m'en coûte. » Ces simples paroles étaient assez inquiétantes pour que Tib, s'associant au mauvais vouloir de Lady Macfarlane, se prit à détester la belle jeune mariée. Il lui suffit pour cela, d'ailleurs, de sa sérénité un peu fière, du calme confiant qu'elle manifestait, et de cette élévation d'âme qu'elle leur désignait comme un être supérieur, difficile à blesser, inaccessible à leurs hostilités sourdes et les méritant par cela même. Cependant, et sans tomber expressément d'accord pour cela, elles trouvèrent le défaut de cette brillante cuirasse qu'Eléanor opposait à leurs attaques. Insensible pour ce qui la touchait personnellement, Lady Penrhyn se sentait aisément blessée de tout ce qui pouvait offenser ou contrarier sa mère. Lorsque ceci devint bien avéré, les petites mortifications, les négligences calculées, se multiplièrent autour de Lady Raymond. Il faut connaître la vie à fond pour savoir ce qu'on peut infliger de souffrance à certains êtres nerveux et susceptibles, sans que raisonnablement ils puissent et osent se plaindre. Il faut la connaître aussi pour inventer chaque jour un supplice différent et sans laisser prise aux réclamations, raviver la petite blessure de la veille au moyen d'une blessure nouvelle. Ce grand art fut pratiqué de concert par Tabitha et Lady Macfarlane pour humilier la nouvelle venue, coupable de n'avoir pas ressenti assez vivement leurs premières atteintes. La première avait dit un jour à la châtelaine de Glencarrick « Lady Penrhyn a l'épiderme bien sensible quand il est question de sa chère mère. » Lady Macfarlane, à ces mots, s'était trouvée plus forte, et en avait in petto remercié Tib. À quelque temps de là, voici de quelle aimable ouverture Tib fut chargé par Lady Macfarlane sans qu'un seul mot eût été sur ce point échangé entre elles. « Je gagerais bien, » dit-elle tout à coup à Eleanor, « je gagerais bien que vous n'êtes pas encore assez forte ménagère pour calculer au juste ce qu'ajoute une tête de plus à la dépense d'une maison comme celle-ci. Comment l'entendez-vous ? Voilà une question. » Je vous demande si vous savez de combien les dépenses quotidiennes du ménage sont augmentées par tête de maître. Je ne supposais pas qu'à la campagne une tête de plus ou de moins pût faire une différence notable. Mais j'en dois convenir, je n'ai jamais fait ce calcul. Vous êtes charmante, savez-vous, dans votre naïveté. Pourtant, demandez à Lady Macfarlane. Justement, ce matin, nous examinions ces contes. C'est étonnant ce qui se dépense ici de plus pendant la saison des chasses, en bois, en bougies, en gaspillage de toutes sortes. Éléanor jeta les yeux du côté de Lady Macfarlane, qui rougit quelque peu, mais n'ajouta pas un mot. « Oui, reprit Tabitha du même ton de voix, nous calculions tout cela et je m'étonnais que Lady Raymond n'eût pas songé à quelques petits arrangements, vous savez. » « Mais, » allait répondre Éléanor, prise à court et stupéfaite, « ma mère se croyait ici en visite. » Cependant, elle se tut et regarda du rechef Lady Macfarlane. Cette fois, la glace était rompue et l'intrépide écossaise n'hésita plus. « Sans doute, sans doute. Même entre parents, cela se fait. Après la mort de mon père, nous avions arrangé avec mon frère qu'il passerait ici 3 mois chaque année et que je passerais 3 mois à Penryn Castle. J'y perdais certainement, car une femme et un homme, c'est bien différent, avec le vin, les liqueurs, tout ce qui s'ensuit. Plus tard, nous avons changé nos arrangements. Nous avons établi qu'on paierait tant par tête et par mois, tant pour un garçon, tant pour un ménage, tant par domestique. Mais je ne m'attendais pas au mariage qu'il ferait, et nous ne sommes convenus de rien pour une tierce personne. » acheva Tib, voyant que Lady Macfarlane avait quelque peine à finir sa phrase. Ce jour-là, Éléanor s'était promis de savoir de son mari quand il comptait quitter Glengarrig. Elle fit plus, elle lui demanda formellement de l'emmener chez lui, elle et sa mère. Quelques ménagements qu'elle eut mis à lui témoigner ce désir, elle le vit fort mal accueilli. Sir Stephen lui déclara nettement qu'il entendait finir à Glengarrig la saison des chasses, et trouvait singulier que des querelles de femmes vinssent à la traverse de ses plaisirs. Il avait prévenu Éléanor qu'elle et sa mère avaient aménagé le caractère un peu rude de Lady Macfarlane. Comment ne se l'était-elle pas tenue pour dit ? À présent, si Lady Macfarlane était fâchée, il fallait lui faire des excuses. Quant à payer les dépenses de sa belle-mère, il était tout prêt. Si Éléanor le souhaitait, il regrettait de n'y avoir pas songé plus tôt. Mais il avait cru que, moyennant la restitution des 10 000 livres léguées par Sir John Raymond à Godfrey Marsden, Lady Raymond se trouvait au-dessus du besoin. Au surplus, il ne voulait plus entendre parler de ses tracasseries. À tort ou à raison, Lady Macfarlane trouvait de la hauteur chez Éléanor. Il fallait se corriger de cette hauteur. La paix de la famille exigeait impérieusement ses concessions des plus jeunes aux plus âgés, cette déférence aux opinions, aux préjugés d'un chacun. Quant à lui, jamais il n'encouragerait ce qui pouvait perpétuer des discordes intérieures, et il pensait qu'à cet égard, Godfrey Marsden ne dirait pas autre chose à sa sœur. Puis, avec un jurement à moitié contenu et jetant assez rudement la porte derrière lui, Sir Stephen quitta la chambre. Éléanor se leva et alla ouvrir la croisée. Un frisson intérieur lui faisait sentir le besoin de respirer l'air du dehors. La matinée était calme et tiède. Une forte odeur s'exhalait des bois de sapin et flottait dans l'atmosphère au-dessus du lac bleuâtre, au-dessus des rouges collines. Par-delà ses limites de l'horizon, par-delà celle du monde, le regard d'Éléanor, ardent et vague, semblait chercher les régions où la liberté se cache. Puis, tandis que ses yeux restaient attachés sur les tableaux présents, son âme s'élança dans le passé. Ce pays qu'elle voyait, c'était le pays de David Stuart, cette terre qu'il préférait à toutes les autres. Elle reconnaissait ces paysages qu'il avait si souvent esquissés pour elle et qu'il lui avait rendus familiers. Elle en avait eu soif de ce beau pays qu'il aimait tant, qu'il décrivait avec tant de feu. Mais n'eût-il pas mieux valu ne le voir jamais que de le voir sans lui? De le voir à de pareilles conditions? N'eût-il pas mieux valu expirer sur son cœur le jour où ce cœur battait si fort contre celui de sa pupille bien-aimée que de se retrouver la femme d'un autre, la femme de Sir Stephen?